Salut Titou, ça fait plaisir de te retrouver pour... Le podcast de l'Avent. C'est quoi le principe? Le principe, c'est un jour une bêtise, et aujourd'hui, c'est moi qui vais raconter une bêtise. On est le 16 décembre, donc c'est la case numéro... 16. C'est hyper simple quand même, hein. Ouais, on est dans l'atelier du Père Noël. Oui, on est dans l'atelier du Père Noël. Et ça, c'est une grande chance d'enregistrer dans l'atelier du Père Noël. On voit l'effervescence et les petits lutins au fond qui fabriquent des jouets, c'est super. Et d'ailleurs, dans la case 16, il y a une bêtise. Une bêtise qui est en rapport avec les jouets. Nous, les lutins, on fabrique des jouets. Du coup, j'ai fabriqué un avion. Et quand j'ai fini de le fabriquer, je l'ai testé. J'ai dit à un lutin d'aller dedans. Et bah, du coup, il est allé dedans. Et après, je l'ai fait démarrer. Et il s'est envolé. Et il a commencé à aller dans tous les sens. Il est parti dans les nuages. Et du coup, le Père Noël a dû aller le chercher avec son traîneau. Tu veux dire que le lutin qui faisait du coup l'essai, il s'est retrouvé perdu dans les nuages? Oui. Et le Père Noël n'a pas eu trop de difficultés pour le retrouver parce qu'on voit rien dans les nuages. Il avait un GPS sur son traîneau. Le fameux GPS du Père Noël, bien sûr. Et bah tant mieux s'il l'a retrouvé, il l'a ramené. Et puis plus de peur que de mal, comme on dit, hein. Super bêtise, mais qui finit super bien, Titou. Super bien. Est-ce que t'as un petit mot à dire pour les amis? Oui, j'ai un petit mot à dire. Profitez de ces moments pour aller au marché de Noël, être avec votre famille, vos neveux, vos grands-parents. Passez du bon temps tous ensemble. Mais exactement, c'est ça que j'ai envie de dire. Passez du temps ensemble avec les gens que vous aimez. Bon, on se dit à bientôt parce que on a du boulot comme d'habitude, hein. C'est nous qui fabriquons les jouets après tout. Ah, et j'ai oublié de dire, l'avion il s'est cassé. Oh bah oui, bah il faut le réparer du coup. J'ai un petit tournevis, j'ai mon fer à souder, on y va, on retourne à l'atelier là. Ouais, allez. Allez, c'est parti, salut.